Dans les pénombres du firmament, Coca-Cola, Danone, cynique. Mais quelle est cette firmament? Je suis un livre d'arithmétique. Comme une couscoussière en inox, je vole par-dessus les abscisses. Hippotypose bien dans sa peau avant de te donner ton fils. J'aimerais signer chez Virgin, mais je ne voudrais pas un clou. Lécher des clitoris vierges qui ne sentent pas trop les pétous. Mon nez dans le secteur tertiaire m'habite au service contentieux. J'ai lu tous les contes de Voltaire. Et j'avais tout pour être heureux, pour être heureux.